Les coquillages, on entend la mer. Pour la deuxième fois cette année, Radio Cresson accueille une émission entièrement préparée et animée par les étudiantes et les étudiants du Master AUEP Architecture, Urbanisme, Études Politiques, qui reçoivent un nouvel invité en la personne de Clément Barbier. On peut y aller. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes au studio radio de l'ENSAG. Merci aux auditeurs et auditrices de nous rejoindre sur ce podcast. Un grand merci à l'équipe du Cresson pour leur accueil et en particulier à Jules et Cédric pour l'appui technique. Nous sommes les étudiants et étudiantes du Master 1 à UEP et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Barbier. Pour nous présenter brièvement, notre Master Architecture, Urbanisme et Études Politiques est porté par trois établissements grenoblois, l'École d'Architecture, l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine, ainsi que Sciences Po Grenoble. L'ADN de notre parcours se trouve dans son interdisciplinarité, non seulement à travers nos formations initiales, partagées entre architecture, urbanisme, la géographie et la science politique, mais aussi par la provenance de nos enseignants et enseignantes qui s'inscrivent eux-mêmes dans des champs disciplinaires différents. Ce master appréhende l'urbanisme et l'architecture par le prisme des sciences sociales. Il nous permet d'apprendre à nous forger notre propre esprit critique par rapport à notre future pratique professionnelle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du séminaire accompagné par Marine Bourgeois et Grégory Busquet, dans lequel nous observons les controverses et les contradictions de la ville néolibérale. Nous étudions notamment les concepts et les théories qui permettent de saisir les enjeux contemporains, des processus de néolibéralisation, des politiques urbaines et en particulier la justice sociale, spatiale et environnementale. Dans ce cadre, nous recevons et échangeons avec des chercheurs qui travaillent sur ces enjeux. Bonjour, Clément Barbier, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Vous êtes notre second invité et dans cette émission, nous allons revenir sur votre parcours ainsi que sur votre ouvrage intitulé « En quête d'attractivité, le renouvellement urbain par les grands projets dans les métropoles de Lille et Hambourg », issu de votre recherche doctorale soutenue à l'Université Paris 8 en 2015. Dans ce livre, vous décryptez le fonctionnement des politiques d'attractivité par une enquête comparative entre deux projets de renouvellement urbain, l'Union au nord-est de l'agglomération lilloise en France et l'Exposition internationale d'architecture de Hambourg en Allemagne. Notre échange s'articulera autour de quatre axes principaux. Nous commencerons par revenir sur votre parcours de recherche. Ensuite, nous reviendrons sur les principaux résultats de l'ouvrage ainsi que sur sa démarche méthodologique et comparative. Enfin, nous proposerons d'ouvrir l'échange en nous intéressant au cas de la ville de Saint-Étienne. Je laisse maintenant la parole à Lou pour démarrer cet échange. Bonjour Monsieur Barbier. Tout d'abord, pour mieux comprendre comment vous en êtes venu à étudier les politiques urbaines et les enjeux de gouvernance, pouvez-vous revenir sur votre trajectoire de recherche ? Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis vraiment très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Ma trajectoire de recherche, elle commence dans une formation franco-allemande, parce qu'après avoir grandi à Saint-Étienne, ce sera marrant pour la suite de la discussion, je suis parti faire un an de prépa à Lyon et assez rapidement, j'étais très intéressé par l'Allemagne, où j'avais fait toute une série de jumelages dans mes jeunes années, et je savais que je voulais faire des études en lien avec l'Allemagne. Je ne savais pas encore trop quoi, et donc je commence à Sciences Po Lille, parce qu'il y a une filière franco-allemande à cet endroit-là qui me permettait de passer la moitié de mon temps en Allemagne, et je m'acculture progressivement aux sciences sociales à cet endroit-là, entre deux cultures universitaires différentes. Enfin, si on peut parler de culture universitaire pour Sciences Po, puisqu'il y a quand même peu de liens à la recherche à Sciences Po Lille en particulier. Mais je m'initie à la recherche en sciences sociales et avec cette question, cet intérêt pour les questions urbaines, parce que on est en 2005. Et dans les premiers mois de ma vie d'étudiant, j'ai des voitures qui brûlaient le bout de la rue. Moi qui viens du périurbain stéphanois, je suis un peu décontenancé par tout ça. Et je me dis qu'il y a une question sociale plus large qui se joue à travers ces révoltes. Et j'ai envie de comprendre ça, quoi. J'en profite d'une de mes années en Allemagne pour faire un stage dans un centre de recherche et faire de premières enquêtes de terrain là-bas. En me disant, je suis intéressé par les politiques publiques qu'on a mis à destination des quartiers populaires qui sont au cœur de l'actualité, ou qui l'étaient en tout cas quelques années auparavant, puisqu'il se passe quand même un peu de temps entre ces différents événements. Et je m'intéresse à ce qui se décline en Allemagne en matière de développement social des quartiers, de géographie prioritaire, de projets spécifiques mis en œuvre à destination des quartiers populaires, avec cette ambition de faire de ces politiques urbaines des politiques sociales, mais aussi des politiques économiques et des politiques participatives. C'est un peu toutes ces dimensions-là qui étaient présentes. Et donc ça, c'est l'objet de mon mémoire de Master 1 puis 2 sur la participation, puis sur la jeunesse de cette politique de la ville à l'allemande. Et je profite de la thèse pour enfin faire la comparaison que j'avais envie en fait, de faire depuis le début, mais j'étais un peu dissuadé par mes différents enseignants parce que c'est souvent très compliqué de faire du comparatif, ça pose plein de problèmes et ça apporte rarement des solutions. Et du coup, j'ai repoussé à la période de la thèse cette question de la comparaison. Et ayant très envie de continuer à vivre à Lille, je vais chercher à la fois à comprendre les métamorphoses de ces politiques à destination des quartiers populaires, à partir de Hambourg où il y a le projet d'exposition internationale d'architecture d'Ibar Hamburg qui est mis en place pour transformer radicalement la manière de faire du développement social local, avec déjà à l'époque une vingtaine d'années de dispositifs de développement social des quartiers qui sont identifiés comme étant des échecs et une volonté de changer d'envergure, de changer d'échelle avec ce projet qui non seulement doit servir au quartier de l'île de Wilhelmsburg en elle-même, qui est un quartier beaucoup plus vaste en fait que les quartiers qui étaient au cœur de la politique de la ville à l'allemande, et de faire en plus de ce quartier l'emblème de toute la métropole hambourgeoise. Et donc, dans mon envie de comparaison et mon envie de vivre à Lille, je vais chercher un autre projet qui aurait des objectifs similaires dans l'agglomération lilloise. C'est là que je découvre le projet de l'Union, qui articule aussi ces deux ambitions. Essayer de transformer des quartiers anciennement industrialisés où se concentrent des classes populaires issues de l'immigration postcoloniale en développant de nouvelles recettes que celles de la politique de la ville, en changeant d'échelle à nouveau, en passant à une échelle métropolitaine et en articulant ces objectifs de développement social local censé être au profit des personnes, en tout cas au service des personnes qui habitent ces quartiers. Et en même temps, un objectif beaucoup plus vaste de promotion de l'ensemble de l'agglomération, de l'ensemble de la métropole, à une échelle régionale, nationale et même internationale. Et donc c'est l'association de ces deux objectifs-là, promotion de l'attractivité et du rayonnement métropolitain d'une part, et développement social des quartiers et promotion des conditions de vie des habitants des quartiers populaires d'autre part. Qui est un peu le fil rouge de cette enquête de sociologie croisée entre ces deux terrains à Hambourg et à Lille. En l'occurrence, à Roubaix-Tourcoing-Waterloo pour le Calillois et sur l'île de Wilhelmsburg au sud du centre de l'agglomération hambourgeoise. Merci. Et donc, comment s'intéresser au projet urbain et à sa complexité en tant que sociologue ? Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre posture sur votre étude ? Eh bien, je pense que ça se joue beaucoup au niveau des méthodes qu'on met en place, des méthodes d'enquête. L'idée que l'enquête, c'est déterminant dans la construction même de la posture de recherche. Il y a quelque chose, notamment dans la tradition sociologique dont je suis issu, à laquelle j'ai été formé, qui m'a plu, en tout cas, qui m'a donné envie de faire de la sociologie. Quelque chose de très inductif, qui part vraiment du terrain et d'un tâtonnement... De découverte des questions un peu chemin faisant, où la littérature théorique est plutôt un outil qu'on va chercher pour comprendre le cas qui nous intéresse et qu'on construit comme cas à partir de ces allers-retours-là entre les livres et l'observable. Et où on façonne jamais de manière définitive une question de recherche avant d'être allé sur le terrain, en fait. Et donc, en tout cas, c'est ma conception de la sociologie. Et après, en termes de méthode, il y a cette volonté d'articuler une attention à la parole des personnes, à leur capacité d'analyse critique. Et je pense qu'il y a quelque chose que je continue de faire aujourd'hui qui m'intéresse dans la sociologie, d'aller découvrir des visions du monde, des pratiques, des rapports au monde, en fait, différents, de se servir de cette discipline universitaire comme d'un prétexte pour aller à la rencontre de personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de croiser et pour leur poser des questions qu'on n'aurait pas eu l'occasion de leur poser si on n'avait pas eu ce bon prétexte de vouloir comprendre les causes qu'ils servent, les objectifs qu'ils poursuivent dans les politiques publiques. Voilà, là pour le cas, c'était des politiques publiques. Et donc cette entrée par entretien où on vient susciter la capacité d'analyse et de réflexivité des personnes qui en fait souvent ont déjà une compréhension de ce qu'elles font, de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles peuvent pas faire, des contradictions dans lesquelles elles sont prises. Et ça, c'est quelque chose qui me parle très vite quand je découvre la sociologie, cette posture d'entretien compréhensif. Et là où on fait des sciences sociales, c'est qu'on ne fait pas ces entretiens complètement de manière spontanée. On choisit ses interlocuteurs, on prépare les questions qu'on pose, on croise autant que possible les points de vue. Et aussi, on articule cette entrée par entretien avec, avec d'autres sources, avec la partie enquête, par exemple, de sources écrites, d'archives, qui permettent de ne pas se limiter à la mémoire qu'ont les personnes d'un événement ou de ce qu'elles ont fait à une époque et de pourquoi elles l'ont fait, mais de retrouver un peu noir sur blanc quels étaient, à un moment donné, les objectifs que poursuivaient les politiques publiques là, sur lesquelles je travaillais, par exemple. Et dans l'idéal de pouvoir aussi, dans certaines occasions, ressortir ces archives-là en entretien pour en faire l'objet d'une discussion avec des personnes qui ont vécu une période et qui n'en ont pas forcément gardé le même souvenir et en tout cas croiser ces sources-là. Et en lien avec ça, la question de l'observation, elle est déterminante aussi comme troisième grande méthode, en tout cas qui fait que j'aime faire de la sociologie, c'est voir aussi les personnes en train de faire leur pratique ordinaire autant que possible, même si quand on est là, c'est déjà une forme d'élément perturbateur qui fait qu'on assiste à des scènes qui sont forcément un peu influencées par notre présence. Mais articuler ces trois méthodes-là, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir les gens en acte et de voir, même s'ils ont mis en avant une certaine facette de leur personnalité, de leur action, de leur modalité, de leur raison de faire les choses, c'est toujours intéressant de mettre ça en perspective avec très concrètement la manière dont ils agissent et dont ils interagissent. Et donc je pense que c'est un peu tout ça. À la fois, vous essayez de saisir, d'approcher ce qu'il y a dans la tête des gens, la manière dont ils interagissent entre eux, pourquoi ils font certaines choses et pas d'autres, et comment ils les font. Okay, très bien. Pour poursuivre, vous parlez de l'action publique et des acteurs de la fabrique urbaine dans votre livre « Enquête d'attractivité, le renouvellement urbain par grands projets dans les métropoles de Lille et Hambourg ». La notion d'attractivité urbaine est au centre de votre thèse. Dans un premier temps, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore lu votre ouvrage, pourriez-vous revenir sur cette notion et sur ce que vous qualifiez de mythe de l'attractivité urbaine ? Eh bien, l'attractivité métropolitaine en particulier, c'est devenu un peu le mot-clé de cette transformation de ma thèse en ouvrage parce que j'ai été assez interloqué de voir la prégnance de cette notion-là dans les discours publics, y compris dans les sciences sociales. À travers la sociologie croisée des deux projets de renouvellement urbain que j'ai fait en thèse, j'avais envie de tout saisir à la fois, le renouvellement de la ville, la fabrique de la décision, les conséquences de ces politiques sur les quartiers renouvelés, etc. L'attractivité était une des dimensions et je me suis rendu compte que c'était pertinent d'en faire le fil rouge de la reprise de la thèse en ouvrage parce que on a l'attractivité comme discours plus ou moins malléable dans un très grand nombre d'espaces. On fait un nombre incalculable de politiques publiques au nom de l'attractivité, que ce soit des politiques culturelles, l'effet Bilbao qui doit permettre la transformation radicale d'une ville industrielle grâce à la culture et au développement d'un musée emblématique. On fait des politiques urbaines en essayant de transformer la population d'un territoire et d'y faire venir de nouveaux habitants, et les éco-quartiers ont pour une grande partie d'entre eux ce registre de légitimation consistant à dire on transforme la ville, mais c'est parce que ça va permettre de redorer son image et d'y faire venir de nouvelles personnes. Et c'est censé bénéficier à l'ensemble de la communauté que de faire venir ces personnes-là. Ça marche aussi en matière d'économie, l'attractivité des entreprises au service de la croissance, du développement local. C'est un discours qui m'a eu l'air particulièrement avoir la vie dure d'une certaine manière, parce qu'il est à la fois ancien et en même temps omniprésent quand on parle d'investissement et de ce que les États et ou les métropoles devraient faire pour les capter, c'est aussi quelque chose de crucial. Donc au-delà même de la forme entreprise, le simple idéal de capter des capitaux m'est apparu comme un objectif un peu récurrent de l'action publique. Et de là découlent mille et une manières de justifier ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas en matière de politique publique. Vous reprenez les débats contemporains sur la taxe Zuckman, c'est pas possible d'imposer les grandes fortunes parce que ça ferait fuir ces grandes fortunes de notre territoire national, ce serait contre-productif. Et il faudrait au contraire être prêt à tout sacrifier d'une certaine manière, ou en tout cas à tout mettre en œuvre pour accueillir et attirer à soi toutes ces richesses. L'intérêt de mettre cette notion d'attractivité métropolitaine au cœur de l'ouvrage, c'était une manière de faire écho à ces débats-là en invitant à adopter une autre perspective qui est celle des personnes, des professionnels, des urbanistes qui ont cette mission de rendre la ville attractive et qui de fait sont en proie à de nombreuses déconvenues assez révélatrices de l'impasse qu'est à mes yeux cette notion-là d'attractivité ou cet objectif politique-là de l'attractivité. Si j'en parle comme d'un mythe d'action publique, c'est à la fois pour son côté un peu omniprésent qui permet d'expliquer, qui permettrait d'expliquer plein de politiques publiques qu'on met en œuvre. Ce serait au nom et au service de l'attractivité qu'on mettrait en place toutes ces politiques publiques. Mais c'est aussi dans une acception un peu particulière qui a été définie par deux collègues qui font partie des gens qui m'ont formé aux sciences sociales. Jérôme Godard, que je n'ai jamais connu, mais dont j'ai lu l'article, et puis qui a travaillé avec Fabien Desage, qui lui est quelqu'un qui a été assez important dans ma trajectoire, et qui a défini cette notion de mythe d'action publique comme un ensemble de discours flous qu'on peut coller et apposer à un certain nombre de politiques, d'objectifs politiques différents. Et qui est finalement assez changeant, qui ne fait pas écho à une sorte de théorie scientifique qui serait basée sur des preuves, sur des démarches démontrées. On n'a jamais démontré en fait que construire des écoquartiers, ça faisait venir des créatifs dans les villes. On n'a jamais démontré qu'on avait à l'échelle locale les leviers pour faire venir des entreprises mobiles à l'international dans une ville en question. Donc ça colle assez bien à la fois le caractère d'évidence qu'a ce discours, son caractère plastique, le fait qu'on fasse un peu ce qu'on veut avec, le fait qu'il ne soit pas lié à une démarche empirique scientifique qui serait liée à des preuves objectivables, et le fait que, du coup, les personnes qui sont en charge de la diffusion de ce discours et qui agissent au nom de ce discours, elles sont amenées à parfois faire des choses différentes et puis même contradictoires d'une fois sur l'autre. C'est-à-dire que c'est un des intérêts de ce concept, c'est qu'il permet de s'intéresser aux diverses postures qu'une même personne peut avoir par rapport à ce mythe-là, justement. Ce qui, pour comprendre le rapport des professionnels de la fabrique de la ville à cet objectif d'attractivité, m'a paru important parce que, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, j'ai eu l'occasion de voir des professionnels, les mêmes enquêtés, les mêmes personnes, d'une scène à l'autre, avoir des postures très différentes et même parfois complètement à l'opposé par rapport à cet objectif d'attractivité-là. En étant capable, d'une part, d'être très critique, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ils ont tout à fait conscience de l'impuissance dans laquelle ils sont structurellement embourbés, et en même temps, en ayant cette mission, selon les scènes, selon les espaces, en ayant le devoir de faire comme si ils allaient pouvoir rendre la ville attractive, ils allaient pouvoir en changer l'image et de fait attirer à elle les personnes, les habitants, les travailleurs, les entreprises, les capitaux dont il est ici question et que toutes les villes du monde semblent s'arracher. Serait censé s'arracher. D'accord. Et toute quête d'attractivité est-elle, selon vous, vouée à produire des effets négatifs ou des formes d'échec ? Bah, tout dépend de la manière dont on définit l'attractivité, justement. Mais ce qui m'a marqué dans les années qui ont suivi la fin de ma thèse, c'est que je suis tombé sur un certain nombre de travaux qui se sont intéressés aux modalités de mobilité des entreprises, des personnes, des capitaux. Et qui ont plutôt démontré que cette mobilité-là était fortement surestimée et que les gens étaient bien moins prêts que ce qu'on a tendance à imaginer à quitter leur territoire d'origine, là où ils ont leurs attaches familiales, là où ils ont leur réseau d'amis, là où ils ont leur travail. Et que donc, les quêtes d'attractivité, si par quête d'attractivité, on dit capter les travailleurs, entreprises et capitaux du monde entier, effectivement, elles sont structurellement condamnées à échouer. Parce que ces mobilités n'ont pas lieu comme on pourrait l'imaginer. Elles sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pourrait imaginer. Et elles sont, quand elles ont lieu, dépendantes de facteurs sur lesquels les pouvoirs publics qui mettent en place ces politiques d'attractivité n'ont pas la main. Ce qui va être déterminant pour des implantations d'entreprises, c'est la connexion à des infrastructures de transport qui souvent sont planifiées à une échelle au moins nationale. C'est la disponibilité d'un foncier encore au bon moment, mais très vite aussi la présence d'un bassin de main-d'œuvre. Mais très peu, voire jamais, la présence de clusters et d'incubateurs, de pôles d'excellence tels que ceux que j'ai pu étudier. Donc, au-delà de savoir si ça a des effets négatifs ou positifs, il y a déjà un constat sous-médiatisé à mon sens, qui est que si par politique d'attractivité, on entend des politiques en mesure de faire venir sur de vastes périmètres nationaux ou internationaux des personnes et des entreprises sur un site donné, il y a une impuissance, une impossibilité structurelle à ce que cette attraction ait lieu. Ce qu'on observe, c'est qu'au nom de l'attractivité, on met en place des politiques qui ont quand même un impact sur des mobilités de personnes et d'entreprises. Et les deux projets que j'ai étudiés, à leur manière, avec leurs heurts et malheurs, leurs réussites et leurs échecs, arrivent quand même à transformer la ville et à avoir une petite prise sur ces mobilités de personnes et de capitaux et d'entreprises. Ces mobilités, elles ont néanmoins lieu à une échelle métropolitaine. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont déménager de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, selon des logiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le degré d'excellence et de rayonnement de ces projets, mais sur des choses en lien avec des choses très prosaïques, de liens interpersonnels des élus qui ont un enjeu particulier à faire réussir ce projet et qui donc s'appuient sur leur réseau immédiat de partenaires, en l'occurrence les promoteurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, pour les convaincre d'investir dans ces espaces-là qui, jusqu'au lancement des projets, étaient relativement stigmatisés, relativement mal vus par les milieux de l'économie, de l'immobilier, comme des endroits où il est difficile de faire de l'argent, où on n'est pas du tout sûr de pouvoir vendre le programme immobilier qu'on va développer, et qu'ils le font dans un premier temps sur une logique de donnant-donnant pour entretenir la bonne relation qu'ils ont envie de garder avec les élus. Parce que les élus ont plein d'autres sources qui intéressent les promoteurs immobiliers. L'accès à du foncier, entendre parler d'un appel à projet. C'est les promoteurs qui ont aussi un rôle de constructeur et qui donc sont surtout les grandes opérations d'aménagement, de partenariat public-privé, de réalisation d'infrastructures, etc. qui sont les premiers à prendre le risque d'investir dans ces espaces pour amorcer la pompe de l'investissement, d'une certaine manière. Cette pompe, elle prend à Hambourg parce qu'on est dans un contexte spécifique où le marché de l'immobilier est en tension accrue. Et où le foncier disponible est de plus en plus rare. Et donc, dans ce cas-là, il y a une forme de réussite de la politique d'attractivité. Alors, pas du tout à une échelle internationale, mais à l'échelle de l'agglomération, il y a les capitaux d'une partie de l'économie de l'immobilier. Et de fait, en lien avec la réalisation des programmes d'immobilier résidentiel, il y a de nouvelles personnes qui s'installent dans le quartier avec des niveaux de revenus et de patrimoine beaucoup plus importants que la majorité des classes populaires qui le peuplent avant le lancement du projet. Donc, d'une certaine manière, l'IBA Hambourg, elle peut apparaître comme... Pardon. Comme une politique d'attractivité qui, à l'échelle métropolitaine, est parvenue à organiser ces mobilités de capitaux et de personnes. Ça se fait au prix de l'accompagnement de la marchandisation de la ville et de l'intégration de l'île de Wilhelmsburg, qui était en grande partie préservée des logiques spéculatives jusque-là, dans le marché de l'immobilier métropolitain de la ville de Hambourg. Et entre le début du projet, où les premières parcelles se vendent à 1800 euros le mètre carré, et 3 à 5 ans plus tard, où les derniers projets sont vendus à 5000 euros, on a de fait une gentrification observable du coût à l'achat de ces programmes résidentiels. Les conséquences ensuite sur la vie des personnes qui vivaient déjà là, elles sont plus difficiles à suivre. Je n'avais pas forcément l'appareil méthodologique et le temps pour suivre tous les impacts que ça a sur les personnes qui étaient déjà là. Ce qu'on peut d'ores et déjà néanmoins dire, c'est qu'avec cette réintégration de Wilhelmsburg dans la moyenne des prix hambourgeoise, on a la disparition de l'espace habitable abordable, accessible pour les classes populaires, puisque toute nouvelle personne qui désormais veut s'installer dans le quartier doit le faire à des prix à l'achat, et en l'occurrence avant ça à la location, qui n'ont rien à voir avec ceux qui présidaient avant le lancement du projet. Donc cette idée d'échec ou de réussite, elle est toujours complexe et elle ne sert pas toujours à l'analyse d'une certaine manière, parce que tout dépend de quels objectifs on parle, en fait. C'est ça qui est parfois compliqué quand je présente mon travail en lien avec des urbanistes, des architectes qui sont dans cette quête de solutions et de bonnes manières de faire la ville. C'est que j'ai rarement de solutions court terme et puis qui s'intègrent dans l'espace institutionnel existant à proposer. Et au-delà de ça, je sens que je suis toujours attendu sur une question un peu évaluative de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et d'une certaine manière, je pense que je me suis fait aussi un avis normatif avec mes propres jugements de valeur sur le sujet, mais qu'au cœur de l'analyse, dans un premier temps, j'essaye de comprendre comment ça se passe et à quel prix, avec quelles répercussions dans un cas ou dans l'autre. Et donc effectivement, le cas de Hambourg peut apparaître comme une réussite pour les personnes, l'IBA Hambourg peut apparaître comme une réussite pour les personnes qui l'ont porté, au sens où le projet de revalorisation de l'image et de transformation du peuplement de l'île de Wilhelmsburg est en partie atteint, avec comme impact que ça ne vient pas servir les besoins et les intérêts immédiats des personnes qui vivaient là, et ça met même en danger d'une certaine manière leur présence dans cet espace, puisque de fait, leurs enfants, leurs amis, les personnes d'un milieu semblable qui ont des ressources équivalentes aux leurs, n'ont plus la possibilité de s'installer dans cet espace-là, alors qu'eux l'ont eu jusqu'à il y a quelques temps. Et dans le cas de l'Union, et je ne serai pas beaucoup plus long, c'est le cas qui pousse le plus loin cette contradiction des politiques d'attractivité, où à tellement vouloir faire du neuf à la place du vieux et être prêt à faire table rase du passé pour faire venir s'installer des entreprises qu'on appelle de nos voeux, des entreprises innovantes qu'on appelle de nos voeux, des travailleurs qualifiés qu'on appelle de nos voeux, Les différents aménageurs, alors en plus dans une temporalité extrêmement longue, hein, c'est très particulier le projet de l'Union, puisque il est imaginé dès les années 70, on commence à l'amorcer vraiment au début des années 90, et puis aujourd'hui encore, il n'est pas terminé. C'est un projet qui a quasiment 30 ans d'âge, même si on se concentre que sur le pré-projet et jusqu'à aujourd'hui. Et cette temporalité distendue, le fait qu'on disjointe les fonctions entre ceux qui vont avoir la mission de libérer la place au nom de l'attractivité, en accompagnant le départ des personnes qui habitaient là, des entreprises qui étaient présentes, et ceux qui ont ensuite eu la mission d'aller chercher les entreprises innovantes, les promoteurs immobiliers, pour essayer de réurbaniser cet espace. Il y a eu tellement de temps que l'action publique au nom de l'attractivité a plutôt contribué, au moins pour les 15 premières années, à dégrader et dévaloriser l'espace et à finalement le rendre plus difficile à réurbaniser et plus répulsif d'une certaine manière, parce que tout en réussissant à faire partir les habitants qui habitaient déjà là, les entreprises qui étaient déjà en place, l'effet de zone, de friche que l'action publique a participé à produire a eu un effet tout à fait contre-productif, puisque a contribué à plutôt dévaloriser l'image de la ville, à la dépeupler en partie. Et donc là, on est dans un cas vraiment extrême où les objectifs d'attractivité, de fait, dans la manière dont ils sont mis en œuvre et selon les logiques institutionnelles un peu complexes dans lesquelles sont pris les acteurs de la fabrique de la ville dans l'agglomération lilloise, à ce moment-là, à cet endroit-là, a plutôt eu un effet l'effet inverse de l'effet recherché. Même si, quand on attend et que le marché finit par se retendre à l'échelle de l'agglomération, comme c'est le cas depuis la crise Covid et le retour un peu de l'investissement privé dans les villes de Roubaix et Tourcoing, eh bien, les projets finissent quand même par sortir de terre. Et aujourd'hui, les projets de logement en accession ont fini par trouver chaussures à leurs pieds, ont fini par trouver des investisseurs, mais c'est au prix d'années de déshérence et d'abandon de cette zone-là que l'action publique, paradoxalement, a contribué à renforcer, alors qu'elle visait précisément à promouvoir non seulement l'image et à faire revenir des habitants avec des ressources plus importantes et des investisseurs de manière générale. Merci. Dans le cas des projets étudiés, l'objectif de mixité sociale occupe une place centrale également. Pourtant, ses opposants y voient un risque de gentrification. Selon vous, la politique de mixité, mais on peut aussi inclure celle de durabilité, participe-t-elle toujours à une accentuation des dynamiques de gentrification ? Autrement dit, existe-t-il un signe équivalent entre politique de mixité et politique de gentrification, pour reprendre le concept proposé par Anne Clerval et Mathieu Van Krikengen? Je ne pense pas que les politiques menées au nom de la mixité amènent forcément une gentrification, puisque dans de nombreux cas, elles ne changent tout simplement rien. Et que la mixité ne se décrète pas, déjà pas d'un point de vue statistique, on n'est pas toujours capable de déplacer les populations qu'on voudrait de la manière dont on le voudrait, dans la suite de ce que je vous disais sur les formes d'impuissance structurelle dans lesquelles sont prises les politiques d'attractivité résidentielle. Et effectivement, ça reste une des catégories d'action publique. Peut-être qu'on pourrait y voir un mythe d'action publique aussi dans la mixité, puisqu'il y a aussi ce caractère flou et malléable de ce terme-là. Qui fait que de nombreuses politiques de gentrification sont menées au nom de la promotion de la mixité. Puisque il y a tout de suite cette idée que la coprésence de personnes issues de milieux différents dans l'espace urbain serait au bénéfice de toutes et tous. Comme si le fait d'avoir des riches à côté de soi, quand on est moins riche, on aurait plus de chances pour réussir dans la vie, meilleure fréquentation qui ferait qu'on aurait de meilleures ressources pour savoir quel type d'études faire, accéder à certains types d'emplois, comme si les ressources des ménages aisés pouvaient être partagées ou ruisselées sur les ménages moins aisés. C'est un peu une des corollaires de cette idée de mixité que celle de ruissellement, en fait. Cette idée que, finalement, être proche des riches, c'est peut-être d'une manière ou d'une autre profiter de leur richesse. Ce que montrent les logiques de marchandisation de la ville, c'est que ça peut très vite avoir pour conséquence que l'espace résidentiel qui était abordable avant l'arrivée des riches l'est moins quand ils sont là. Et c'est là le lien, je pense, principal entre les notions de mixité et de gentrification. Ce qu'ont montré les sociologues qui se sont intéressés à ces questions, là, pareil, de manière empirique, en posant la question frontalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette proximité spatiale ? Et parce que disent Chamboredon et Le Maire au début des années 70, c'est qu'il y a toujours de la distance sociale et qu'elle peut même être renforcée parce qu'à force d'avoir cette promiscuité, cette proximité subie entre personnes de milieux différents, bah, on a besoin de rappeler qu'on n'est pas du même monde et que ça peut donner lieu à des formes de distinction, à des formes de mise à distance, à des conflits renforcés liés à cette proximité subie en fait. Un des rares domaines dans lequel la mixité a été pointée comme pouvant avoir des objectifs d'émancipation ou de promotion sociale, c'est en matière scolaire, où sur le plan pédagogique, avoir des élèves issus de milieux différents fait que généralement les résultats et les capacités de progression d'apprentissage sont plus fortes pour les élèves issus de milieux défavorisés comme pour les élèves plutôt issus de milieux plus favorisés dans des classes mixtes. Mais ce qui se passe dans des quartiers en gentrification, c'est bien souvent que les parents font des choix de placement scolaire avec des logiques d'options, d'enseignement privé, qui fait que cette mixité scolaire, c'est celle qui suscite le plus d'appréhension, y compris dans des situations où la mixité sociale dans l'espace peut être développée. Donc c'est un des serpents de mer de l'urbanisme et des politiques urbaines, cette question de la mixité. Ça fait 60 ans qu'on en parle, à peu près 50 ans qu'on a démontré que ça n'avait pas les objectifs que ça prétendait poursuivre. Et pourtant, ça reste un des horizons un peu indépassables des politiques urbaines. Et il me semble que la gravité de ce terme-là, c'est moins que ça vient justifier des politiques de gentrification qui se font aux dépens des moins dotés et participent de cette disparition de l'espace habitable, abordable. Mais c'est aussi tout ce que ça empêche de faire et d'imaginer. C'est-à-dire qu'au nom de la mixité, on va refuser de construire du logement social dans des espaces où on sait pertinemment qu'il y a plein de ménages qui ont besoin d'accéder à ce type de logement social. Et c'est la médaille, le revers inverse du spectre du ghetto, en fait. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, la mixité, elle est là. L'objectif de mixité, il est là depuis bien longtemps, en fait. On n'a pas attendu le fait que les grands projets de renouvellement urbain, le fait que les métropoles prennent en main cette question des quartiers sensibles, des quartiers prioritaires, pour parler de mixité. Toute la génération de dispositifs de politique de la ville, de développement social des quartiers qu'il y a dans les deux pays, elle est déjà impulsée au nom de la promotion de la mixité dans les quartiers populaires. Et là, on fait un pas de côté qui forcément est tout de suite un peu plus politique, mais ce cadrage qui consiste à se focaliser sur le quartier comme étant comme si c'était la source des problèmes sociaux dont on est en train de parler, alors que la sociologie urbaine a quand même assez globalement démontré que c'était plus le symptôme que la cause de ces problèmes, le fait que les personnes en difficulté soient et avec peu de ressources soient concentrées dans un même espace, c'est beaucoup plus la conséquence et le symptôme d'inégalités et de logiques de domination beaucoup plus larges qui ne se jouent pas du tout à l'échelle du quartier. Et donc c'est tout ce qu'on s'empêche de faire à l'échelle de l'agglomération en termes de construction de logement social, de politique d'attribution du logement social pour permettre aux classes populaires d'accéder à des logements qui correspondent à leurs besoins, aux espaces où elles ont besoin d'habiter en lien avec les infrastructures de transport, les opportunités d'emploi. Et tout ça, ces logiques de lutte contre la ségrégation, elles ne se jouent pas du tout dans les espaces où la ségrégation est la plus forte. Déjà parce que là, les espaces où la ségrégation est la plus forte, c'est les espaces d'entre-soi de la grande bourgeoisie que personne n'a jamais décidé de remettre en question. Mais ensuite, parce que, y compris dans les espaces populaires de relégation où cette ségrégation peut être relativement marquée, les clés de libération ou d'émancipation des personnes qui y vivent sont bien plus ailleurs dans les espaces de logements abordables qu'on est en mesure de créer. Et donc voilà. Donc c'est à la fois ce que ça nous empêche de faire en termes de politique de peuplement égalitaire, de réouverture des espaces des possibles résidentiels pour les personnes qui ont peu de ressources. Est-ce que ça nous empêche de faire aussi en termes de régulation du marché? Parce que derrière l'idée de mixité, il y a souvent aussi la réflexion en termes de choc de l'offre, comme si on allait résoudre la crise du logement et l'accès au logement des classes populaires en construisant du logement privé, comme si le fait que les logements soient chers serait la conséquence du fait qu'on ne construirait pas assez. Alors que toute nouvelle construction, quand on regarde ce qu'elle impacte en termes de prix de l'immobilier, de par la raréfaction du foncier, a quand même comme conséquence le renchérissement des prix de l'immobilier, en fait. C'est-à-dire que là, on pourrait revenir là-dessus, là, je fais un peu une digression, mais je me permets d'en parler parce que c'est vraiment les deux, je ne sais pas comment les qualifier, les deux mythes, les deux idéologies, les deux ensembles de récits qui sont assez indissociables de la production de la ville capitaliste et de son gouvernement, qui font qu'il y a certaines solutions politiques qui n'ont plus été envisagées depuis des décennies, parce qu'on imagine qu'il faut traiter la pauvreté urbaine là où elle se concentre au nom de la mixité, et que et qu'on ne peut pas ou ne doit pas intervenir sur les logiques marchande de marchandisation de la ville, de production du logement privé, alors même qu'elles sont au cœur des dynamiques ségrégatives qui précisément organisent la concentration des ménages à faibles ressources dans certains espaces des grandes villes, souvent en cours de raréfaction, qui les repousse toujours plus loin, quoi. Très bien, merci. Pour revenir un peu, donc, le projet d'Hambourg est qualifié par les discours institutionnels et professionnels comme une réussite en comparaison à celui de Lille. Mais que signifie un projet réussi selon vous pour ces acteurs ? Est-ce un projet qui respecte ses objectifs initiaux, notamment d'attirer les investisseurs économiques et financiers ? Eh bien, j'ai un peu coupé l'herbe sous le pied de votre question tout à l'heure, mais effectivement, je pense que ça dépend de quels acteurs on parle. Et de quels objectifs et à quels objectifs on fait allusion. Dans le cas de Liber-Hambourg, effectivement, les objectifs d'attraction de capitaux ont fini par fonctionner à une échelle bien plus locale que ce qu'on aurait pu imaginer. Les objectifs de construction d'une exemplarité architecturale, environnementale, peuvent aussi être considérés comme relativement atteints, puisque le projet a été repéré à l'échelle internationale au moment où je le lance. Il est déjà dans cette trajectoire-là. Un de mes deux directeurs de thèse, qui fait partie du comité, du curatorium, une sorte de comité d'experts du projet, a envie que je travaille sur ce projet aussi, parce qu'il pense qu'on peut le dupliquer à l'international et que la Seine-Saint-Denis aurait bien besoin de son IBA elle aussi. Et globalement, c'est assez rare de trouver des critiques dans l'espace public de ce projet. Et il est plutôt identifié dans les cercles urbanistiques comme une réussite. Donc, dans la capacité à mettre en scène cette action, à la mesurer, à la labelliser, il y a toute une série de labels dans les différents champs architecturaux, environnementaux qui ont été déployés. La vitrine est une réussite. On parvient à créer l'image qu'on souhaitait produire. Et du point de vue de la fonction de ce projet dans la recomposition du capitalisme urbain à l'échelle de la métropole hambourgeoise, il y a aussi une réussite au sens où il vient accompagner la transformation générale qui était impulsée avant lui, de passage d'une économie industrielle liée au port à une économie de l'immobilier, où l'économie tertiaire, l'économie de l'immobilier occupe une place centrale, et où le foncier prend une fonction, une valeur spécifique en lien avec le développement de ce secteur économique-là. Alors que l'île de l'Elbe, elle est encore historiquement liée très fortement à l'histoire du port, elle a tout son pourtour qui est encore sous contrôle des autorités portuaires, avec des activités industrielles, industrieuses qui sont encore implantées, qui continuent de produire un certain nombre de nuisances, etc., en termes sonores, olfactifs et en termes de pollution. Et malgré ça, l'IBA arrive à refaire d'une grande partie de l'île de l'Elbe un espace résidentiel intéressant pour une partie des classes moyennes en mesure d'accéder à la propriété, ce qui n'était pas le cas avant le lancement du projet. Donc elle atteint son objectif de résidentialisation et revalorisation de la fonction résidentielle de l'île de l'Elbe. Donc du point de vue des urbanistes qui... sont pas forcément aussi cyniques que ce qu'un certain nombre des résultats de mon travail pourraient parfois laisser penser quand on les lit de loin. C'est pas les suppôts du grand capital. Ils font pas ça pour servir la soupe aux promoteurs immobiliers. Ils font ça pour construire une meilleure ville et reconquérir des espaces résidentiels. Et d'une certaine manière, ils y parviennent à travers le projet d'IBA. Après, comme je vous le disais dans ma première réponse qui touchait à ce sujet, avec des objectifs multiples et contradictoires, il y en a toujours certains qu'on ne peut pas atteindre quand on en atteint d'autres. Et si dans le projet il y a aussi l'idée d'améliorer le quotidien des classes populaires issues de l'immigration qui sont très nombreuses sur l'île de l'Elbe dans le projet d'Iberhambourg, le simple fait que cet espace-là ne leur soit plus accessible à l'issue du projet peut être vu comme un échec. Et le fait est qu'on a trouvé localement un certain nombre de voix critiques pour pointer au contraire le fait que malgré la présence d'un parc social important, cette gentrification est amorcée, impulsée par le projet, et elle n'aurait pas eu lieu de la même manière, voire on aurait pu espérer qu'elle n'ait pas lieu si d'autres mesures avaient été prises pour contenir l'extension du marché de l'immobilier et de la construction de logements neufs en accession à la propriété. Et donc de ce point de vue-là, si on s'intéresse à ce que c'est que produire une ville au service de ses habitants, ceux qui sont là, ici et maintenant, eh ben, on peut douter du caractère victorieux ou vertueux du projet de l'IVA. Donc non seulement parce qu'il y a ces prix à l'accession qui ont augmenté, ces prix à l'allocation qui suivent, mais aussi parce qu'à l'intérieur même du parc social, les gestionnaires, les responsables des bailleurs sociaux que j'ai pu interroger me disaient assez ouvertement qu'ils avaient un choix beaucoup plus vaste en termes de profil de demandeurs de logements sociaux qu'avant le lancement du projet. C'est-à-dire que même en termes de politique de logement social, il y a toujours une marge de manœuvre en termes de pour quelle population on construit le logement et à quelle population on l'attribue. Et un quartier qui a bonne réputation permet aux bailleurs d'avoir potentiellement plus de demandeurs qui ont fait le souhait de s'installer à cet endroit-là. Et donc le logement social est en tant que tel pas un obstacle ou un frein suffisant à lui seul aux dynamiques de gentrification, et il n'est pas le garant à lui seul d'un droit au logement pour les personnes qui sont les moins dotées. C'est en ça que la politique de logement social elle a un lien étroit avec celle de régulation ou de non-régulation du marché du logement et de la marchandisation du logement de manière générale. Très bien, merci. Je vais à présent laisser la parole à Alice. Merci. Bonjour Monsieur Barbier. À présent, on aimerait revenir sur votre cadre théorique, et en amont de cet échange, vous nous avez transmis une citation de Henri Lefebvre de son ouvrage La Révolution urbaine, publié en 1970. La citation est la suivante. L'important, c'est de souligner que le rôle de l'urbanisme et plus généralement de l'immobilier, spéculation, construction, dans la société néo-capitaliste. L'immobilier, comme on dit, joue le rôle d'un secteur second, d'un circuit parallèle à celui de la production industrielle, travaillant pour le marché des biens non durables ou moins durables que les immeubles. Ce secteur second absorbe les chocs, en cas de dépression, vers lui affluent les capitaux. Il commence par des profits fabuleux, mais bientôt s'enlise. Dans ce secteur, les effets multiplicateurs sont faibles, peu d'activité induite, le capital s'immobilise dans l'immobilier, l'économie générale dite nationale en souffre bientôt. Cependant, le rôle et la fonction de ce secteur ne cessent de grandir. Dans la mesure où le circuit principal, celui de la production industrielle courante des biens mobiliers, ralentit son essor, les capitaux vont s'investir dans le second secteur, celui de l'immobilier. Il peut même arriver que la spéculation foncière devienne la source principale, le lieu presque exclusif de la formation du capital, c'est-à-dire de la réalisation de la plus-value. Tandis que la baisse de la part de la plus-value globale formée et réalisée dans l'industrie grandit, la part de la plus-value formée et réalisée dans la spéculation et par la production immobilière. Le circuit second supplante le principal, d'accidentel il devient essentiel, mais c'est une situation malsaine, comme disent les économistes. Or, l'urbanisme comme idéologie et comme institution, comme représentation et comme volonté masque ces problèmes, l'urbanisme se situant à la charnière entre les deux secteurs, donc production des biens meubles et des biens immeubles, cache cette charnière. Si nous poursuivons la métaphore, il permet aussi de l'huiler. Ainsi, l'urbanisme est un urbanisme de classe sans le savoir. Quand l'urbaniste le sait, quand il atteint ce degré de savoir, il devient cynique ou se démet. Cynique, il peut en venir à vendre de la liberté, du bonheur, du style de la vie sociale, voire de la vie communautaire dans les phalanstères à l'usage des satrapes modernes. Ici, Henri Lefebvre décrit donc le déplacement du lieu de production du capital vers les biens immobiliers et fait une critique de l'urbanisme comme ne faisant qu'accompagner donc un développement du capitalisme et accentuer des inégalités sociales et économiques. Une première question, dans quelle mesure cette analyse donc du rôle de l'immobilier comme circuit secondaire a-t-elle influencé votre travail ? Comme beaucoup des références théoriques qui sont importantes pour moi aujourd'hui, elles le sont devenues parce qu'elles sont venues donner du sens à des choses que j'avais déjà vues sur le plan empirique avant de lire ces choses théoriques. Et c'est vrai que quand je découvre cet extrait, alors qu'il a en particulier lu à la radio, a l'air extrêmement long et abstrait, au moment où je le lis, il me fait un effet assez fort parce que il donne du sens. C'était dans la thèse de Max Rousseau qui travaillait déjà sur Roubaix et qui est un des importateurs des travaux de la géographie anglo-américaine dite radicale ou marxiste, ça dépend des écoles et des sous-écoles, mais en tout cas, il fait partie de ces personnes qui m'ont fait découvrir le néo-marxisme et sa déclinaison urbaine. Et ce qui est assez marrant, c'est que les travaux anglo-américains qui adaptent ces théories marxistes à l'analyse des transformations de l'espace sont en fait des gens qui ont lu Henri Lefebvre, qui lui-même était français. Donc il y a une sorte de retour aux origines avec la découverte de Lefebvre qui fait partie de ces penseurs qui ont suggéré de voir la production de la ville comme un rapport de domination, comme un rapport social lié à la production de valeur et à l'accumulation du capital. Et donc cet extrait, même s'il a un côté un peu aride, je continue de lui accorder de l'importance parce que il permet justement de voir l'intuition que Lefebvre a eue et qui, je trouve, a été fortement étayée, confirmée par la suite des travaux qu'ont posé cette question de qui produit la ville, qui la gouverne et comment est-ce qu'elle se transforme. Et aujourd'hui encore, dans pas mal d'autres recherches que j'ai fait par la suite, après ma thèse, ça reste un des fils rouges un peu théoriques, hein, parce que ça reste une intuition qui méritait justement d'être étayée, d'être mise en lien avec une démarche empirique. Mais cette intuition que une partie de la croissance urbaine, de l'urbanisation, s'est faite en lien avec le capitalisme industriel. Et c'est quelque chose d'autant plus marqué dans les villes dans lesquelles j'ai été socialisé à la sociologie. Alors moi, je grandis à Saint-Étienne, qui a son histoire aussi avec le capitalisme industriel. Ce qui me fascine dans l'agglomération lilloise et des villes comme Roubaix et Tourcoing, c'est que c'est des villes qui n'existaient quasiment pas avant l'ère industrielle. Contrairement à Lille qui avait son petit pôle commercial ou même Saint-Étienne qui était un territoire très artisanal avant l'arrivée de la grande industrie, des villes comme Roubaix et Tourcoing, c'est vraiment des villes usines quoi, qui ont été construites au service de la production industrielle. Et dans ces espaces-là, la phrase d'Henri Lefebvre, et c'est pour ça que Max Rousseau il la cite dans sa thèse sur Roubaix, c'est qu'il résume d'une certaine manière toute l'histoire de la ville de Roubaix, c'est-à-dire qu'on produit au service de la ville-usine, au service de l'usine. C'est en lien immédiat avec les besoins de la production manufacturière qu'on loge les ouvriers à proximité des usines. Et cette production industrielle se déstructurant, restructurant, se délocalisant en grande partie, localement, les modes d'accumulation doivent s'organiser avec un autre type de secteur, un autre type d'activité économique. Et c'est là où l'immobilier occupe une fonction de reconversion des capitaux, en fait. Et dans les projets de reconversion des territoires, il y a ce genre de dynamique à l'œuvre, y compris dans des territoires dont l'histoire est moins étroitement liée à celle de l'industrie manufacturière, comme la ville de Hambourg, par exemple. Hambourg, c'est d'abord une ville de commerçants qui s'industrialise progressivement et qui se désindustrialise ensuite. Là, au Roubaix-Tourcoing, c'est la campagne qui s'industrialise pour se désindustrialiser. On n'a pas les mêmes trajectoires d'industrialisation et de désindustrialisation. Mais dans les deux cas, au nom de la métropole, et les projets sur lesquels j'ai travaillé ne sont qu'une étape de ce grand processus de reconversion industrielle des territoires, il y a cette idée de passer d'une fonction productive à autre chose. Et donc, on parle tantôt d'économie résidentielle, d'économie de l'immobilier, et c'est ce second circuit du capital. Il y a aussi Boltanski et Esquer qui parlent d'économie de l'enrichissement. C'est cette idée que ça va peut-être servir à loger des gens, mais ça va aussi être avant tout une logique de placement financier et de mise en récit aussi de la ville. Et c'est cette mise en récit qui va avoir une valeur économique quasiment. Donc c'est là où le développement du capitalisme urbain et de l'économie de l'immobilier est déterminant. Et c'est ce passage en fait de l'économie industrielle à l'économie de l'immobilier qui m'a marqué et que j'ai tenté d'éclairer à travers ma thèse pour voir qu'est-ce que ça fait d'accompagner cette désindustrialisation au nom d'une nouvelle économie et que j'ai pu poursuivre ensuite en m'intéressant à l'histoire de la promotion immobilière dans l'agglomération lilloise où, là encore, surprise empirique qui entre en résonance avec cette réflexion théorique, on découvre avec deux autres collègues la présence de promoteurs immobiliers qui sont eux-mêmes des héritiers, des descendants de la bourgeoisie industrielle. Et donc qui, à un moment donné, dans les années 60, parce que le textile bat de l'aile, font le choix de devenir promoteurs immobiliers, alors même que c'est une profession qui est en cours de construction, en cours de structuration, qui n'est pas forcément vu comme un métier d'avenir. Et d'ailleurs, je pense que Lefebvre est trop pessimiste quand il dit que ça a vocation à s'essouffler, cette économie de l'immobilier. Mais parce que depuis, on a développé d'autres outils de spéculation et de valorisation de la ville de manière complètement autoréférencée. Là, c'est les logiques de financiarisation, de spéculation qui peuvent aller très très loin dans la construction artificielle de la valeur. Mais à l'époque où la désindustrialisation s'accélère, l'immobilier est vu par une petite partie de la grande bourgeoisie aussi comme une possibilité de se reclasser. Et donc cette reconversion, elle a lieu à l'échelle des capitaux, d'où l'argent qui était dans l'industrie part dans un nouveau secteur, à l'échelle des territoires. La ville qui servait à l'usine, à la fixation de la main-d'œuvre et à la mise à disposition des facteurs de production au service de la production manufacturière. Et à l'échelle des hommes, puisque on a à la fois des ouvrières, ouvriers qu'on a plus ou moins malmenés et qui ont dû faire autre chose et qui souvent se retrouvaient dépourvus d'une activité salariée digne, si tant est qu'elle l'ait été quand elle était salariée. Et que cette reconversion, elle se joue aussi à l'échelle de la grande bourgeoisie qui trouve une nouvelle vocation dans l'investissement immobilier et là, en l'occurrence, le développement de projets de promotion immobilière. Très bien, merci. On aimerait revenir aussi sur votre une certaine mise à distance par rapport à la théorie de la ville néolibérale, donc qui interprète souvent les transformations urbaines comme le produit d'une logique dominante et cohérente de mise en concurrence des territoires. En quoi votre enquête conduit-elle à nuancer cette lecture? Et par ailleurs, comment vous positionnez-vous par rapport à des auteurs comme Gilles Pinson, qui sont également intéressés à cette théorie de la ville néolibérale et aux projets urbains? Mais je pense que j'ai un certain nombre de frustrations et de critiques à l'égard des travaux sur la ville néolibérale qui sont d'autant plus fortes et récurrentes que j'apprécie très fortement l'ambition de penser les transformations de la ville, de son gouvernement, au prisme des logiques capitalistiques et de la manière dont le capitalisme est régulé ou non. Et je pense que j'ai été à la fois enthousiaste de découvrir ces travaux et une grande partie de la géographie marxiste dont je vous parle fait partie des gens qui ont théorisé ces différentes approches de la ville néolibérale, de la néolibéralisation de l'urbain, de l'urbanisation du néolibéralisme. Et donc j'entretiens une forte proximité, mais du coup je pense un peu comme sur les notions de mixité que vous évoquez tout à l'heure, un besoin de distinction, parce que je trouve que l'analyse du capitalisme urbain, elle est parfois gâchée par des modèles théoriques trop déconnectés de la réalité empirique, et qu'une trop grande partie des travaux sur la ville néolibérale sont trop obsédés par la théorie et l'idée de produire une nouvelle théorie au point d'en délaisser l'enquête empirique, en fait. Et typiquement, cette idée qu'on part comme point de départ, que ça y est, on est dans un monde néolibéralisé, et la compétition entre les villes à l'échelle internationale est une sorte de variable exogène contre laquelle on ne peut plus lutter et à laquelle on doit s'adapter, que ce soit pour jouer le jeu de cette concurrence internationale parce qu'on est des néolibéraux convaincus et qu'on compte s'imposer dans la guerre de tous contre tous, ou qu'on soit des penseurs critiques qui voient ça comme le mal absolu mais qui le prennent aussi comme une variable un peu indépassable de « ah bah ça y est, maintenant il faut qu'on compose avec cette compétition-là parce qu'elle est là ». Et c'est là où relire des travaux un peu plus empiriques de sociologues de l'économie, de géographes de l'économie qui s'intéressent aux mobilités résidentielles, aux mobilités d'entreprise dont je vous parlais en début d'entretien m'a fait du bien. C'est que de quelle mobilité on parle, en fait, et cette compétition, elle se joue à quelle échelle, et est-ce que c'est vraiment nécessaire de la jouer, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à penser? Donc là, je suis en train de basculer sur un terrain nouveau un peu plus politique, mais je pense qu'il y a un certain nombre de postulats liés aux thèses sur la ville néolibérale qui ont été insuffisamment questionnés et insuffisamment mis en lien avec une démarche empirique. En lien avec ça, il y a aussi tout un rapport à la place des idées dans la production de la ville et la construction des politiques publiques. Il y a une sorte de mantra, ou en tout cas de passage obligé des travaux sur la ville néolibérale, qui consiste à dire que l'agenda néolibéral, l'idéologie néolibérale se serait imposée. Comme si déjà les idées se déplaçaient, et puis comme si elles arrivaient un peu comme une sorte de lavage de cerveau, là où on aurait tous pris le parti de la néolibéralisation de la ville, ou en tout cas les urbanistes auraient été convertis. Et ce que montrent des approches empiriques qui font de l'observation et qui suivent une même personne dans des contextes différents, ce que je vous évoquais sur la méthode de l'observation tout à l'heure, c'est que les idées et les croyances, elles ne sont pas rigides et elles ne sont pas le seul et unique logiciel qu'on met sur nos lunettes à travers lequel on va voir le monde et au nom duquel on va agir de manière univoque et définitive. C'est plus complexe que ça et il y a au contraire plein de choses qu'on fait à certains moments qu'on va dédire à un autre et que cette idéologie, c'est difficile de parler d'idéologie précisément parce que y a des croyances très différentes et des motivations très différentes auprès des acteurs de la ville et c'est pas complètement ou uniquement, en tout cas c'est pas satisfaisant cette idée qu'ils auraient été complètement convertis et gagnés à cette cause parce que ils ont eux-mêmes conscience des contradictions de ces politiques-là et qu'il manque peut-être un certain nombre d'institutions pour faire vivre des alternatives, mais c'est à l'échelle matérielle de l'institution de la production des politiques publiques que peuvent jouer ces alternatives-là. Et je pense que globalement, une partie des travaux sur la ville néolibérale sont insuffisamment attentifs à ce qui se joue concrètement, y compris dans les systèmes d'institutions, en accordant parfois trop d'importance aux idées. Et dernier point peut-être de critique à ce sujet, c'est le rapport au changement, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y aurait une sorte, dans les thèses de la ville néolibérale, il y aurait une sorte d'ère keynésienne où l'État, les villes agissaient main dans la main pour redistribuer la richesse et qu'à partir de 1973 ou 1980, on aurait complètement changé de paradigme et qu'on se serait mis à promouvoir plutôt la compétition entre acteurs et où l'État serait devenu un des acteurs activateurs de cette compétition, etc. Dans cette logique-là, on ne pense pas ce qui a permis ce changement, parce qu'on ne change pas d'air du jour au lendemain, et ce n'est pas une crise pétrolière qui fait qu'on change radicalement de la manière de produire la ville. Et aussi, on a tendance à complètement caricaturer ce que serait chacune de ces phases, c'est-à-dire que la période keynésienne est aussi une phase capitaliste, où il y a la production et la reproduction d'inégalités. Les racines de la marchandisation du logement, elles se trouvent déjà dans les années 60-50, à un moment où d'autres politiques redistributives existent, en fait. Mais c'est juste que le monde est trop pluriel et trop complexe pour qu'on puisse classer les périodes historiques dans une idéologie et un régime de production de la ville, et comme si ces logiques-là se superposaient pas. Donc y a une difficulté historique dans la réflexion en face qui me convainc pas non plus complètement. Et c'est pour ça que, dans mes enquêtes, il y a un intérêt pour... les formes de changement, mais aussi les formes de continuité. Et comment, dans les dynamiques de reconversion dont on parlait juste avant, elles sont rendues possibles en lien avec la reproduction d'un certain nombre de mécanismes existants et qu'il ne faut jamais complètement exagérer les tournants historiques tels qu'ont parfois tendance à le faire les travaux sur la ville néolibérale. Mais on ne peut pas leur enlever, et je continue de leur reconnaître, l'intérêt qu'ils ont porté pour la place du capitalisme et de l'économie dans la fabrique de la ville et son lien indissociable avec le politique. Et ça, je pense que ça mérite d'être creusé et d'aller voir la diversité des rationalités, des instruments qu'il y a à l'œuvre dans chacun de ces deux grands domaines, en fait, entremêlés, que sont le monde capitaliste de l'accumulation de la richesse et la régulation politique qui a contribué à lui faire voir le jour et qui continue de participer plus ou moins activement à sa reproduction. Très bien, merci. Si vous le souhaitez, on peut vous proposer une petite pause. Avec plaisir.